أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سوى. Je te suivais tous les jours de ma vie, je te suivais sur les sentiers de la justice. Telles sont les paroles de ce cantique, ce merveilleux cantique en arabe. J'espère que vous avez bien dégusté. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Bienvenue encore ce soir pour un autre enseignement, la troisième de la série sur le mensonge de l'islam. Ce soir encore, nous allons avancer sur le terrain avec Monsieur Abdul Majid du Congo. Dans les deux premières parties, nous avons examiné quelques faits et gestes de ces mensonges qu'il débite. Et il y en a plein comme ça, des tonnes et des tonnes. Et aujourd'hui, nous allons regarder, suivre encore une de ces perversions de mensonges et d'ignorance. Nous allons effectivement développer dans le Coran et dans la Bible aujourd'hui. Donc, depuis la nuit du temps, l'esprit antéchrist agit dans le monde. Mais avec l'avènement de l'islam ou du mahométisme, cet esprit s'est enraciné et s'est caractérisé par la négation même des attributs de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lisons par exemple le livre de 1 Jean, 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, bonsoir à vous tous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux. 1 Jean chapitre 2, je salue particulièrement la sœur Diara Konaté de Paris en France, ainsi que toute sa famille. Lisons 1 Jean chapitre 2. Commençons par 1 Jean chapitre 2. On va y revenir dans ce livre de 1 Jean au chapitre 2, le verset 18. La Bible déclare, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Donc, nous, effectivement, dans les parties 1 et 2 de cet enseignement, le mensonge propagé par l'islam, concernant le christianisme, je vous ai parlé des hommes tels que Ahmed Didat, Zaki, Naïk, Karim, Abdul. Et il y en a un autre qui monte en force ces dernières années, c'est Abdul Majid. S'il y a quelqu'un qui a l'oratoire de mensonge, c'est vraiment lui. Donc, je vous laisse maintenant, je vous laisse écouter un de ces extraits. Et puis, nous allons revenir tout à l'heure, commenter tout ce qu'il a dit. Et suivons ce que la Bible déclare et le Coran aussi déclare. Suivons attentivement cet extrait. Vous venez révéler quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler. Il est vrai que dans les corps de ces passages bibliques, il a été dit de Jésus, qui était le fils de qui? De Dieu. La paix de Dieu soit sur vous. Mais ici, nous informons aux téléspectateurs qui nous suivent que dans ces passages, dans les textes originaux, ces passages, dans son texte original, les termes fils de Dieu n'avaient jamais figuré. Et que ces termes avaient été introduits par l'Église catholique romaine. Et cela est témoigné dans leur propre version de la Bible, qui est la version de Jérusalem. Je vais lire. Ici, dans la Bible de Jérusalem, de l'Église catholique, donc, Matthieu chapitre 3, verset 16, je vais d'abord relire le verset, n'est-ce pas? Puis rentrer là. Est-ce que vous pouvez montrer le livre? Ça, c'est l'assistance. Ouais. C'est la Bible de quoi? La Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, la Sainte Bible. La Sainte Bible de Jérusalem, de l'Église catholique. Ok, c'est la Bible de Jérusalem. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis d'abord le verset. Le verset dit ceci. Et a été baptisé Jésus, aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Fin de citation. Et juste à la fin du verset 17, il y a une lettre, la lettre K, qui nous renvoie à la note explicative K. Laquelle note est réservée à ce passage? La note K, j'ai lu cette parole, c'est-à-dire le verset ici que nous avions lu, que j'ai lu ici. Cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec les pères. Fin de citation. Qu'est-ce qui doit attirer notre attention dans cette note explicative? Premièrement, il nous a dit que le verset ici, les deux versets 16 et 17, où précisément la partie où il est dit de Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu dans le corps du verset, ça dit cette partie-là, désigne d'abord Jésus comme étant le vrai serviteur, annoncé par qui? Par Esaïe le prophète. Et nous verrons là où Jésus a parlé d'Esaïe, plutôt Esaïe a parlé de Jésus comme étant le serviteur de qui? De Dieu. Alors maintenant, je vais, vous venez de suivre cette bout de phrase que Abdou Majid a prononcée. Il dit effectivement qu'il va montrer exactement dans la suite de son discours, exactement là où Esaïe a désigné le Seigneur Jésus. Je vous ai dit dans les deux premières parties que l'islam, ou mieux les arabes ont décidé, les musulmans ont décidé, les savants musulmans ont décidé d'amener la grande majorité en enfer. Tous ceux-ci sont les fils de Dieu, Ahmed, Didat, Zakir, Naïk, Karim, et particulièrement Abdou Majid. Pourquoi j'ai fait à ce que vous écoutez ce qu'il a dit? Parce qu'en réalité, ce passage, parce qu'il veut effectivement montrer effectivement que Jésus n'a jamais été appelé fils de Dieu par Dieu, concernant, parallèlement au Coran ou bien contrairement au Coran, comme le Coran dit effectivement que Dieu n'a pas de fils, comme on va voir tout à l'heure le Coran. Il veut par là établir effectivement que dans ce Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17, il n'a jamais été fait mention du cas de tu es mon fils en qui j'ai mis mon affection. Donc la phrase tu es mon fils n'a pas été prononcée par Dieu. Mais là, il veut mettre un parallèle avec le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Je vais vous laisser sur le soin de suivre effectivement qu'il prononce Ésaïe 42. Et puis vous allez avoir confirmation effectivement que ces hommes sont des agents de Satan. Parce que et lui, et Ahmed Didat, et Zaki Naïk Karim ont démontré effectivement dans un document et dans les documents que les Mohammedans ont en leur position que dans ces Ésaïe 42, tout au long de Ésaïe 42, ils ont établi effectivement que il s'agissait de leur prophète, leur soi-disant prophète Mohammed. Donc vous voyez effectivement qu'ici, le fait de vouloir démontrer que Jésus n'est pas le fils de Dieu, ils utilisent le passage qu'ils appliquent sur Mohammed, sur Jésus. Donc c'est un paradoxe. Et c'est là que je vais vous parler de effectivement son ignorance. C'est un grand menteur, tout simplement. Donc, vous voyez effectivement cette technique de mensonge. C'est comme ça qu'on a maintenu dans l'ignorance les musulmans. Donc, vous, amis musulmans qui sont en train de m'écouter, je veux que vous compreniez effectivement ce qu'il va dire. Il a dit qu'il va montrer dans la Bible, dans le prophète Esaïe, là où cette référence est donnée. Donc, il veut établir effectivement qu'on n'aurait pas dû traduire là-bas par fils de Dieu, mais on va mettre le thème dont il a dit, le serviteur de Dieu. Et il va effectivement aller dans Esaïe 42. Donc, cette subtilité-là, c'est effectivement ça. Prendre, quand il faut démontrer quelque chose, on utilise un passage. Quand il faut démontrer le contraire, on utilise le même passage. Donc ce même passage d'Ésaïe 52, 42 va servir à cet homme-ci maintenant de démontrer effectivement qu'on ne devrait pas écrire là-bas dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, fils de Dieu, mais que tu es mon fils, mais on devait plutôt mettre mon serviteur. Faisant ici référence du fait que Ésaïe 42 se réfère à Jésus. Mais dans un autre enseignement et dans plusieurs de ses vidéos, il va prendre ce même passage pour démontrer qu'en fait on parle des prophètes Mohammed dans la Bible. Donc vous voyez effectivement que ce sont des malhonnêtes, bande de malhonnêtes. Écoutez-le. Pour conclure le coup. Toutefois, ils ajoutent, donc les chrétiens catholiques, les termes des fils substitués à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec pais. Ce qui équivaut à dire que les termes serviteur qui étaient utilisés dans les textes originaux a été remplacé par les termes fils lors de la traduction du terme serviteur en hébreu en grec. C'est-à-dire en hébreu, les termes utilisés étaient abed, qui veut dire serviteur, et en arabe, abd. Ces termes traduits en grec, les traducteurs catholiques sont tombés sur le terme païs, en grec, qui veut dire en même temps fils et serviteur. Et comme ils étaient des chrétiens, ils sont des chrétiens catholiques, et que l'église catholique est romaine, a vu jour, a pris sa forme dans un milieu romain, et que chez les romains, tout était influencé par leur mythologie dans laquelle on trouvait des fils de Dieu venu en chair, de Dieu homme. Donc l'Église, maintenant, cette traduction a... De la même façon, nous allons effectivement établir que Mohamed également avait un grand-parent. Ils sont issus des... Souvenez-vous que son père, Abdallah, qui veut dire fils de Allah, est longtemps avant la venue du mohamedisme, puisque Mohamed n'était pas né, Mohamed, il est mort à la naissance de Mohamed. Donc ça veut dire qu'il ne connaissait pas le Allah, donc il connaissait le Allah dont Mohamed prêche aujourd'hui et les musulmans prêchent. Et on dit, Abdallah veut dire fils d'Allah ou bien plus littéralement esclave d'Allah. Comme il a démontré effectivement que l'Église catholique a été influencée par l'environnement romain, de la même façon, je veux établir effectivement que Mohamed a été influencé par les divinités de la Kaaba. Dieu merci encore, nous voyons en direct dans les télévisions étrangères aujourd'hui, particulièrement à Jazeera, où les musulmans vont tourner autour de cette pierre-là, exactement ce qu'on faisait. Nous avons effectivement montré que la religion musulmane n'est pas monothéiste telle qu'elle présente, mais tout simplement c'est monothéiste à la lettre, mais dans la pratique ce sont des idolâtres, des esclaves, même Allah qui était jadis sous Abdallah, le père de Mohamed. Allons-y, Mohamed, à quoi ? Abdou m'a dit, continue la démonstration de tes mensonges. Allons-y, avance. A été influencé, n'est-ce pas, par cette coutume païenne qui faisait de certaines personnes de fils de Dieu. C'est pourquoi l'Église catholique a préféré, au lieu de choisir le terme serviteur en français, qui est l'équivalent de Abed en hébreu, l'Église catholique avait préféré fils. Pourquoi? Parce que pour elle, comme Païs voulait dire en même temps fils et serviteur, elle a préféré fils. Au détriment du serviteur qui était utilisé dans les textes originaux. Et comme l'Église catholique a évoqué Isaïe en disant qu'Isaïe a parlé de Jésus, mais là, il faudrait voir, est-ce que si Isaïe n'a pas présenté Jésus comme étant fils de Dieu, mais qu'il a présenté Jésus comme étant le serviteur de Dieu, tout en étant, et par l'inspiration divine, par la révélation qu'il a reçue de Dieu, pourquoi vouloir maintenant changer cette prophétie d'Isaïe en la déformant et en faisant de Jésus-Christ un fils de Dieu au lieu d'un serviteur de Dieu comme annoncé par Isaïe? C'est pourquoi vous verrez que dans Matthieu toujours, dans ce chapitre 12, verset 15 à 17, il est dit ceci, ben, le titre même de cette partie que je vais vous lire, le titre c'est « Jésus est le serviteur de Yahvé ». Je lis le verset 15. « L'ayant su, Jésus se retira de là, beaucoup le suivirent et il les guérit tous. Et il leur enjoignit de ne pas les faire connaître, pour que s'accomplit l'oracle d'Isaïe, les prophètes, que les catholiques ont cité dans leur note ici, la note claire, dans Matthieu 3, 16 à 17. Pour que s'accomplit l'oracle d'Isaïe, les prophètes. Qu'est-ce qu'Isaïe, les prophètes, a dit de la part de Dieu? Voici mon serviteur que je choisis, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, il annoncera les droits aux nations, il ne fera point de querelle, ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Etc., etc., jusqu'à la fin du contexte. Mais dis-moi ce que nous devons retenir ici, et que cette prophétie présente Jésus comme étant le serviteur de Dieu. Mais... Voilà. Donc, vous avez effectivement écouté jusqu'où il a démontré. Il dit que ce que nous devons retenir, effectivement, que c'est la prophétie d'Isaïe au chapitre 42. Le verset qu'il a décidé dans cette note référence de la version catholique de la Bible fait référence effectivement à Isaïe chapitre 42. Maintenant, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut que vous fassiez attention à ces gens-ci, parce que ce sont des menteurs. Je m'adresse particulièrement aux musulmans qui les suivent aveuglément dans le monde entier. Je tiens donc entre mes mains, un document que vous pouvez trouver sur internet. Vous tapez sur à l'onglet de recherche Google, tapez le prophète Muhammad dans la Bible PDF. Donc vous allez trouver cet document. Tapez le prophète Muhammad dans la Bible PDF. Ça va vous donner ce document de 32 pages ou 33 pages. J'étais ici entre mes, je vais vous lire un extrait pour vous comprendre effectivement que ces gens, ce sont des manipulateurs et des menteurs avant de revenir pour expliquer tout ce qu'il a, toutes les bêtises dont il a débité là. Donc, je vais lire la page 14. Je tiens entre les mains la page 14 et que vous suivez attentivement. Donc, le titre du livre, enfin, du document, c'est le prophète Muhammad. Ils savent effectivement qu'à force de répéter, c'est le principe américain comme je vous ai dit. Ils savent qu'en répétant et en remultipliant cela dans les vidéos, vous voyez effectivement qu'ils sont suivis partout et beaucoup de musulmans donc prennent les arguments à la lettre qu'ils disent. Vous comprenez effectivement que quand ils prennent ces arguments, ils ne peuvent pas s'en sortir face à quelqu'un qui connaît bien la Bible. Celui-ci sait très bien qu'à tout moment, il va mentir les musulmans et les soi-disant chrétiens pour même les athées pour gagner dans leur côté. Parce qu'il croit peut-être qu'il pense et il le sait qu'en écoutant comme ça, on va prendre pour agent comptable puisqu'il a la Bible entre les mains. Maintenant, suivons attentivement. Je ne commande pas encore. Je vais seulement vous montrer effectivement la subtilité de leurs mensonges. Il utilise ce livre de Matthieu chapitre 3 verset 16 et 17 puis Ésaïe 42 et il a dit lui-même que ce qu'on doit retenir c'est que le prophète Ésaïe met en relation ce verset de Matthieu chapitre 3. Je vais revenir pour commenter, pour montrer effectivement que ça n'a rien à voir justement. Mais je veux que vous compreniez, j'espère que je ne vais pas vite aujourd'hui, je veux que vous compreniez que dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 16 et 17 dont il parle, lui-même il a dit que ce qu'il faut retenir c'est que ce livre-là, ce verset-là fait référence à Ésaïe 42. Donc en réalité, d'après lui, on devrait mettre là-bas, celui-ci n'est pas mon fils, c'est pas mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, mais on devait mettre mon élu ou mon serviteur en qui je me plais à demeurer ou bien j'ai mis mon affection. Donc il vient de dire clairement que Ésaïe 42 parle de Jésus. Mais maintenant, dans cet extrait, dans ce livre que je trouve entre les mains, nous allons revenir au courant d'une conférence sur le mensonge. Donc, la prochaine chose, vous allez suivre ça en différé, vous qui êtes sur YouTube et autres dans le monde entier. C'est une conférence qu'on va faire. Je vais lire document après document en montrant effectivement leur subtilité du mensonge. Vous allez en voir. Mais vous avez l'exclusivité ici dans le délit de suivre. Donc, maintenant, dans ce document-ci, le point, c'est le point 2.4. Ils écrivent la description, le titre c'est la description de Muhammad par Ésaïe. Voici ce qu'ils disent. Dans le chapitre 42 du livre d'Ésaïe, il y a la prophétie d'un homme apportant une nouvelle loi aux non-juifs et une référence claire aux Arabes. Nous allons détailler ce chapitre et montrer que chaque verset colle à la vie de Muhammad. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Voilà donc le titre, voilà comment ils ont commencé le document. Et ce monsieur, il est du comité de tous ceux qui ont démontré ceci. Et dans une autre vidéo, il démontre effectivement en utilisant ce même Ésaïe 42 que Muhammad a en outre avec Deutéronome chapitre 18, le Shiloh, ainsi de suite. On va toucher dans ce document-ci jusqu'au niveau de Ésaïe chapitre quoi, Jean chapitre 14, par rapport au paraclet ou paraclet, tel qu'ils ont dit. Maintenant, suivons attentivement. Voici ici donc Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ils ont cité Ésaïe 42, verset 1. Là, ils ont mis en gras mon élu, les termes mon élu, mon esprit, et puis nation au pluriel. Après, ils définissent maintenant, ils disent mon élu en hébreu, c'est lui Bekir, signifiant l'élu, celui qui est choisi. Exactement ce que Mustapha avait dit en arabe. Vous voyez la subtilité. Il veut dire que Mustapha en langue arabe veut dire mon élu, celui qui est choisi. Donc il veut dire par exemple que quand Dieu parlait en hébreu, mon élu voulait dire Mustapha. Parce que d'après eux, Mustapha étant l'un des noms des prophètes Muhammad. Car c'est celui que Dieu a choisi comme dernier messager pour révéler la religion du Dieu unique au monde. Effectivement, comme dans ce sourate chapitre 5 de la table servie au verset 3, Dieu dit Allah dit là-bas qu'il agrée la religion d'Islam comme religion. Donc, voilà effectivement la subtilité. Donc, je vais vous faire montrer que ces garçons sont ignorants et ils mentent. Quand ils mentent plus tard, ils oublient les arguments qu'ils utilisaient précédemment. Ils ne savent pas que ces arguments-là, ils l'ont utilisé autrement et des contradictoires. Ce verset, ça ne peut pas se référer en même temps à Jésus et en même temps à Muhammad. Parce qu'ici, ils mettent clairement, puisque dans cette démonstration de document, ils disent clairement que ça ne peut pas s'appliquer à Jésus. Voici ce monsieur qui est l'un des dignitaires et des démonstrateurs de la fausseté de la religion musulmane face aux chrétiens qui montrent effectivement que ça s'applique à Jésus. Alors maintenant, où est-ce que vous vous situez maintenant? Où est-ce que toi, ton père, Zaki et Amédida se situent? Eux, ils déclarent que ce verset-ci parle de Muhammad. Toi, tu dis que ça parle de Jésus. Où est-ce que tu te trouves? Je veux que tu me répondes. Donc, ils continuent ici en disant « Nation Goïm peut aussi être traduit par « nation non-juive ». Ce prophète parlera aux non-juifs. On va revenir dans toutes ces histoires-là. Il sera le prophète des non-juifs. La Bible King James ainsi que d'autres Bibles traduisent Goïm par gentil, c'est-à-dire non-juif. Maintenant, après, ils définissent maintenant le thème. Parce que souvenez-vous, j'ai dit qu'ils ont mis en lumière, ils ont highlight mon élu, mon esprit et puis nation. Donc, ils ont dit que mon élu veut dire Mustapha en arabe, c'est-à-dire qu'il est l'un des noms de Mohammed. Ils disent nation, c'est Goïm. Effectivement, nation, c'est Goïm. Et puis, ça veut dire gentil. C'est-à-dire qu'un peuple, tous les autres peuples, en dehors des juifs. Maintenant, ici, il définit mon esprit. Écoutez bien les abominations. Mon esprit. C'est menteur. Vous voyez, il se faut seulement la délivrance. Mais vous qui m'écoutez, vous les Arabes là, sortez du joug de l'islam. Sinon, c'est l'enfer. Voici ce qu'il écrit ici. Mon esprit désigne la révélation divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qu'ils appellent Djibril. Cette révélation est le Coran. Donc, ils disent clairement que Ésaïe 42, verset 1, parlait du Coran, de mon esprit qui sera sur lui. C'est comme ils disent, la terminologie coranique, c'est ils nous ont fait descendre le livre sur lui. Ils parlent donc de cet esprit-là. Or, si vous regardez très bien, dans la Bible, le terme mon esprit dans la Bible vient 36 fois. Et à aucune fois de ces 36 fois dans la Bible entière, ça ne parle de la révélation. La Bible ne bégaye pas parce que c'est la Bible elle-même qui s'explique. Mais eux, ils viennent expliquer, comme ils sont assez forts pour expliquer et l'hébreu et l'arabe, et même le français et le grec, ils viennent d'ici que mon esprit désigne la révélation divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Nous allons voir qui est ce Gabriel, nous allons comparer avec le Gabriel de la Bible, vous allez voir effectivement d'où vient le Coran. Maintenant, après, il dit, les chrétiens ont divinisé le Saint-Esprit, on va y arriver, qui en fait est Gabriel, l'ange porte-parole de Dieu. Nous allons voir tout cela. La Bible déclare, ils ont continué en disant, il n'écrira point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Ésaïe 42, verset 2, et qui cite. Maintenant, après, ils expliquent, est souligné ici la noblesse de caractère de Mohammed, qui jamais n'éleva la voix, pas même sur les domestiques. Exemple, Bilal, que Dieu l'agrée, le serviteur noir du prophète, alors que dans l'Arabie anti-islamique, il était normal de frapper les esclaves ou de les torturer. Donc, voilà, ça c'est autre chose. Je vais établir effectivement la violence et les cris de guerre que celui-là faisait avec les extorsions au butin, les agressions qu'il faisait avec les gens qui allaient en pèlerinage dans la ville sainte. Continuons maintenant. Ils citent maintenant le verset suivant. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ésaïe 42, verset de ceux qui citent. Puis ici également, ils ont mis les îles en très gras et sa loi en très gras également. Après, ils expliquent. L'expression « les îles » signifie que les contrées les plus lointaines recevront l'islam. C'est ce qu'ils expliquent. On ne peut que penser à l'immense archipel indonésien et les îles de l'océan Indien comme les îles Maldives, Zanzibar ou les Comores. Toutes ces îles sont musulmans aujourd'hui. Et puis, ils disent, notez bien l'expression « sa loi » en hébreu « tarato » et non « la loi hatora ». Ceci se réfère incontestablement à une nouvelle loi apportée par ces prophètes. Sinon, il n'y aurait pas de suffixe « or ». Or, aucun prophète n'est venu après Ésaïe apporter une nouvelle loi hormis Mohammed. Donc, je m'arrête ici pour vous montrer effectivement la subtilité. On va y revenir dans ce document. Je vais faire une briefing là-bas et on va voir lors de la conférence où j'ai invité beaucoup de personnes, y compris les musulmans. On va détailler ces documents en distribuant. On va lire verset par verset ou bien phrase par phrase et on va commenter jusqu'à la fin. Donc, allez sur Google, tapez le prophète Mohammed dans la Bible. PDF, vous avez ce document de 33 pages, vous allez voir donc à la page 13-14 ce que je viens de lire. Mais je veux que vous voyez la subtilité de ces garçons. Donc, je vous laisse continuer à Abdou Madi, continue avec ta démonstration. L'Église catholique, lorsqu'elle a voulu traduire l'évangile de Matthieu et l'évangile du pseudo-Matthieu de Lebré, n'est-ce pas, en grec, elle a préféré plutôt les termes du Fils qui ne figuraient pas dans les textes originaux au détriment du terme sédentaire. Et tout ceci, c'est parce que c'est avec raison, puisque la critique littéraire nous dit toute traduction est trahison de l'original. Donc l'Église n'a été victime que d'une mauvaise traduction et tous les chrétiens, n'est-ce pas, l'ont suivi dans son erreur. Je promets aussi de revenir sur le verset de Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, verset 34, j'avais lu ce passage où Jean disait, à partir du verset 33 à 34, il a dit que parlant de Jésus, que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sur lui, quand tu seras en train de baptiser les gens, n'est-ce pas? C'est celui-là qui baptisera du Esprit Saint. Et voilà. Une autre subtilité encore, comme j'ai dit dans les deux premières parties de cette série sur le mensonge de l'islam, vous remarquez effectivement que ces garçons, comme tant bien d'autres, comme je l'ai dit là-bas pour mettre les choses au clair, citent effectivement la Bible que nous avons. Nous aurons espéré peut-être qu'ils disent que toutes ces versions bibliques-là sont fausses totalement et qu'ils nous sortent les vraies versions où ils citent effectivement ce que Jésus a dit, ce que les disciples ont dit et ce que Allah a fait descendre sur Jésus comme les angels. Nous aurons souhaité qu'ils aient cela, mais malheureusement, eux, ils n'ont pas. Ils n'ont aucune copie de la Bible qu'ils disent authentique. Ils ont seulement les accusations et les fables qu'ils ont conçues dans leur pensée des ténèbres, encerclées par l'obscurité des ténèbres venant de Lucifer. Ils vocifèrent tout mensonge venant de l'enfer, des abîmes, des profondeurs, des ténèbres, pour pouvoir embrouiller les gens. Donc, vous voyez effectivement qu'ici, il a cité Jean chapitre 1. Donc, il reconnaît par là qu'effectivement, Jean-Baptiste, cette parole-là est inspirée. Mais quand il va arriver sur la terminologie qui le dérange par rapport à la doctrine diabolique, il veut effectivement corriger pour montrer que ce thème n'aurait pas figuré. Donc, en réalité, il a admis effectivement que ce livre-ci vient de Dieu, mais les hommes ont altéré de part et d'autre. Pourquoi? Parce que ça ne colle pas à la doctrine. Nous allons voir ça tout à l'heure maintenant lorsque nous allons citer le Coran. Je vis et je témoigne qu'il est le fils de Dieu. C'est ce qui est dit. Mais c'est vrai que c'est le terme fils de Dieu que Jean avait prononcé de sa bouche. Et c'est vrai ça? Non. Je vais maintenant vous faire voir cette différence-là. Je vais avoir l'autre. Bon, il y a la première traduction que nous avons lue ici. La traduction lui selon la première traduction, donc, la première version de lui selon le verset 34, il est dit, et je vis et je rendis témoignage qu'il est le fils de Dieu. Mais là, dans la nouvelle version, et nous allons toujours nous référer dans les notes explicatives, avec les couleurs différentes. Oui, les couleurs différentes. Ça, c'est la nouvelle traduction. La nouvelle version plutôt est corrigée, augmentée. Il est dit ceci, le verset, toujours dans les corps, dit la même chose. Et moi, le verset 34, et moi, je vis et je rendis témoignage que c'est lui le fils de Dieu. Mais il y a une note, une lettre juste à la fin du verset qui attire notre attention, qui suscite notre curiosité. Et cette lettre nous envoie ici à la note de ce qu'elle est. C'est la lettre I. La lettre I, juste à la fin du verset. Et qu'est-ce qui est dit ici? La lettre I dit ceci. Quelques manuscrits portaient. Je rendis témoignage que c'est lui l'élu de Dieu. Fin de citation. C'est-à-dire, on nous révèle que dans un autre manuscrit de cet évangile, le terme utilisé n'est pas le fils, je vis et je rendis témoignage qu'il est le fils de Dieu, mais plutôt Jean-Baptiste avait dit, je vis et je rendis témoignage qu'il est l'élu de Dieu. Et rappelez-vous que lorsque Jésus était venu, et quand il a voulu confirmer sa messianité, comme l'avait dit le journaliste ici dans son introduction, il a répété, il a cité la prophétie d'Ésaïe 61. Il a repris cette prophétie dans Luc chapitre 4, versets 14 à 30. Reprenant cette prophétie, et dans cette prophétie, le terme utilisé, c'était celui de lui-même. Il a dit, l'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a élu, il m'a choisi, il m'a oint, il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et c'est cela le terme qui a été utilisé dans un autre manuscrit. Mais il faudrait qu'on se pose la question de savoir pourquoi l'Église catholique ou les chrétiens ne nous proposent pas tous ces manuscrits-là. Ils nous proposent que des manuscrits qui ont été influencés, n'est-ce pas, par des coutumes païennes, comme le dit le Saint-Coran. Voilà, bonne démonstration de notre ami Abdul Madid. Donc maintenant, vous voyez effectivement qu'il a pris une version de Louis II où il était écrit effectivement dans cet autre passage où Jean-Baptiste témoigne du Seigneur Jésus-Christ, où il a utilisé fils de Dieu. Et puis il prend un autre Louis II révis et corrigé, où on a de cette fois-ci mis élu, qui satisfait maintenant sa curiosité. Et maintenant vous allez voir, et toi, et Ahmed Djidad, et tous les autres, et même les traducteurs catholiques et autres tels que tu cites là, vous irez tous au même lieu, parce que vous allez rendre compte à Dieu pour avoir cité et altéré toutes ces choses telles que tu as démontré. Mais ce qu'il veut faire, c'est ceci. Ce qu'il dit, c'est que nous voyons effectivement que là, il admet, comme il a pris la deuxième Louis II, cette revue est corrigée. Quand il a vu que la terminologie qui est utilisée là-bas n'est pas fils de Dieu, alors ça plaît, ça concorde, ce passage-là, proprement dit, concorde avec la doctrine musulmane qui veut que Dieu n'est pas un fils. Parce que dans la sourate 6, le verset 101, il déclare là-bas que le créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Vous voyez, il pose des questions parce que c'est Allah ne connaît même pas de quoi il est question quand on appelle pas fils de Dieu. Vous ne comprenez ni les origines, ni comment, pourquoi on appelle fils de Dieu. Vous pensez que son Allah, le Allah dans ce Coran, le livre dans le Coran au chapitre 6, verset 101, il pense qu'on a de dire qu'on parle d'un homme comme une femme, comme ayant des enfants. Et dans la sourate 2, le verset 116, ils disent, Allah a adopté un fils, à sa transcendance ne plaise. Et au verset 17, il parle du fait que quand il dit que ce soit, et cela, c'est ce qu'on appelle en arabe kun fayakun. Donc dans ce verset 16, vous voyez effectivement qu'il y a un problème. On va y revenir, on va parler de l'auteur du Coran face à l'auteur de la Bible. Où effectivement que dans ces sourates chapitre 2, le verset 116, ils disent Allah a adopté un fils. Or, il veut comme ça citer Allah dans, d'après ce Coran, plus un verset, d'après le Coran sorti de la bouche même d'Allah, ils disent que Allah a dit que ceux-là disent que Allah a adopté un fils. Or, vous ne verrez aucun verset biblique. Et dans tous ces manuscrits dont elle a cité, la manuscrit de même ordre, les manuscrits, Sinaïcus, Vaticanus, ainsi de suite, Massoroti, vous ne verrez nulle part où il est écrit dans le langage chrétien, ni dans la terminologie chrétienne, qu'on dit que Dieu a adopté un fils, en parlant de Jésus. Dieu n'a pas adopté le fils Jésus, non, il l'a engendré. Donc, ouais, effectivement, il y a un problème déjà avec la terminologie musulmane, parce qu'en réalité, comme ils disent que le Mohammed était un prophète analphabète, il entendait les histoires au courant de ses voyages et de ses fréquentations. Souvenez-vous que son oncle était converti au christianisme, c'était un chrétien. Donc, il lui racontait des histoires et qu'il essayait, par sa méditation, de mémoriser et donc retranscrire. C'est pour cela que beaucoup de passages bibliques et des choses de la Bible qu'il comprenait vont être mélangés au Talmud. On va y revenir lorsque je vais disséquer le Coran. Après avoir démontré toutes ces choses, il va entrer dans l'enseignement du Coran, chapitre par chapitre, sourate après sourate. On va y arriver. Donc, on voit effectivement que, comme il ne comprenait pas, il ne maîtrisait pas les écritures, étant analphabète, il a dû tordre dans tous les sens. De voir les histoires de Moïse bizarres là-dedans, de Caïn, Abel, ainsi de suite, et les histoires empruntées du Talmud. Donc, nous voyons effectivement dans ces sourates, chapitre 2, verset 116, comme ils disent, Allah a adopté un fils, montre clairement que Allah ne connaissait pas la doctrine chrétienne. Ou mieux, l'esprit Jibril qu'il a expliqué à Mohamed de révéler les paroles d'Allah ne connaissait pas la doctrine chrétienne parce que, du moment de la vie de Mohamed, la disait que Dieu a engendré, et c'est ce que nous allons regarder à l'intérieur. Maintenant, dans les sourates, allons-y dans sourate 18 pour voir quelque chose avant d'y revenir. Sourate 18, permettez-moi de trouver la sourate 18. Et bien, les six premiers versets de la sourate La Caverne, dans la sourate 18. Qu'est-ce que ça dit? Écoutez très bien. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre exempt d'ambiguïté. Tu parles. Je vais revenir avec les ambiguïtés de ce livre-ci. Un livre d'une parfaite droiture. Tu parles. Pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une récompense. Si c'était pour avertir cela, la Bible en a parlé depuis longtemps avant. Verset 3 de ce sourate 18, une demeure où ils séjourneront éternellement. Écoutez très bien. Verset 4, et pour avertir ceux qui disent Dieu s'est attribué un enfant. Donc, ils disent que le Coran, si les versets, les sourates du Coran sont là pour dire aux gens, pour avertir de la fin du monde imminente, de la promesse du paradis et pour punir ceux qui. Et ici, au verset 4 dit, pour avertir ceux qui disent Dieu s'est attribué un enfant. Verset 5 dit, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Donc, Allah prophétise même que Mohamed, on ne devait pas croire en lui. Donc, nous voyons effectivement que, d'après ce sourate chapitre 18, ce sourate de la caverne, verset 1 à 6, nous voyons effectivement qu'ils disent que Mohamed est là pour avertir ceux qui disent qu'Allah s'est attribué le fils. Or, effectivement, vous regardez l'année d'inspiration de ces sourates, vous voyez effectivement que c'est longtemps après. C'est pour ça que nous allons parler également de la Trinité musulmane face à la Trinité catholique telle que présentée par les catholiques. Lisons la sourate de la table servie. Dans le chapitre 5, sourate chapitre 5, avant de revenir. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous contacter, réagir, nous téléphoner. Nous sommes au Cameroun, au plus 237, sourate chapitre 5, plus 237, 6, 94, 01, 94, 40, 6, 94, 01, 94, 40, ou bien le 6, 75, 87, 41, 21. Joignez-le également sur Skype. Le Skype, c'est Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Le Yahoo Mail également est disponible. C'est Junior de la même façon. J-U-N-H-I-O-R-S@yahoo.fr. Je serai content de vous recevoir, de répondre à vos questions et de fournir des documents nécessaires et des preuves. Si j'ai avancé des choses qui ne vous semblent pas justes ou bien qui ne sont pas vraies, posez les questions avec les documents à l'appui, je vais les en fournir. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis dans la sourate, la table servie. Je vais lire les versets 14 à 17. Suivez attentivement. Versets 14 à 17 dans la sourate 5, la table servie. Versets 14 à 17. Qu'est-ce que ça dit, les versets 14 à 17? Écoutez très attentivement. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Écoutez bien. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de Allah. Par ceci, Allah guide au chemin du salut. Regardez très bien, verset 16. Ils disent dans ce Coran, dans ce surat, surat 5, quoi? Surat, verset 7 dit, par ceci, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Donc, le Coran vient comme ça guider au chemin du salut, alors que Jésus-Christ, d'après le livre qui est antécédent au Coran, avait déjà accompli le salut. Puisque dans ce Ésaïe 42, il est question de Jésus-Christ qui vient pour le salut. Maintenant, regardez. Dans ce même verset, c'est dit, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Il les guide vers un chemin droit. Verset 17, ce sont les mécréants. Je veux que vous compreniez bien ce verset 7 du chapitre 5 de surat 5. Ils disent, ce sont mécréants ceux qui disent, Allah est loin, fils de Marie. Donc, d'après cette révélation du verset 17, il veut dire que les chrétiens disent que Allah est Jésus. Donc, Allah est Jésus. On va y revenir. Dit, qui donc détient quelque chose de Dieu pour l'empêcher s'il voulait faire périr loin, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Souvenez-vous, dans la version que je suis en train de lire, c'est écrit là-bas en français Dieu, mais je lis Allah parce que c'est en dessin que je lis ainsi. Je prononce Allah pour qu'il sache effectivement que le Allah de la Bible, quoi, du Coran, n'est pas le Dieu dont la Bible parle. En fait, c'est clair dans les discours que celui-ci tient. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons donc comprendre jusqu'ici, parce que nous parlons de ces mensonges particulièrement autour de Jésus, fils de Dieu, pour que, comme la Bible nous a prévenu, les antéchrists étaient dans le monde depuis les époques des apôtres. Pour enseigner un autre évangile. Maintenant, l'Antéchrist a décidé de créer sa propre religion et il fait effectivement tout et tout pour descendre les attributs donc, du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lisons donc ce que la Bible nous a dit longtemps avant la naissance de Mohammed et de ses alliés pour nous prévenir des hommes comme ceux que nous avons lu maintenant, ce monsieur que nous avons vu maintenant. Commençons dans 1 Jean chapitre 4. Je vous avais dit dès le départ que nous devions y revenir. 1 Jean chapitre 4. Lisons les versets 1 à 3 avant d'entrer dans tout ce qu'il a dit là-bas pour démontrer par rapport aux catholiques. Au-delà. Les catholiques sont vos amis, ne vous inquiétez même pas parce que c'est entre vous que vous parlez des divinités étrangères, des salades, des halates, ainsi de suite, des samades. C'est vous qui parlez des trinités. Je vous ai dit que la doctrine catholique, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens sont des chrétiens, les catholiques sont des catholiques, les témoins de Jéhovah sont des témoins de Jéhovah. Donc c'est à vous de voir, à vous votre religion, comme votre Coran le dit. Donc 1 Jean chapitre 4 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 et suivant. 1 Jean chapitre 4, verset 1, je vais d'abord lire le verset 1 jusqu'à 3, puis je vais aller au verset 14 à 15. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous y voilà. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous voyez, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Donc nous voyons effectivement que depuis le temps des gens, Jean connaissait ces choses-là qu'il y avait les gens. Mais maintenant, le summum, le maximum de cet antéchrist-là, c'est dans la religion musulmane. Et plus tard, l'antéchrist en personne va venir. Lisons le verset 14. Verset 14 dit quoi? Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils. Dans la religion musulmane, c'est un blasphème d'appeler même Dieu le Père. Parce qu'en fait, c'est normal qu'Allah ne soit pas le Père parce qu'il n'est pas d'abord Dieu pour commencer. Donc, nous voyons effectivement qu'ils ont peur d'appeler Dieu le Père. C'est pas étonnant qu'ils n'ont pas de relation avec lui. Pas étonnant qu'ils ont peur de l'appeler Père. L'apôtre Pierre, quoi, Jean qui a vécu longtemps, le dernier des apôtres et qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, dit ici, bon, je vais revenir avec les questionnements à Médida et tous ses acolytes. Enfin, à Médida, il est mort, ça passe terminé et il est à 2 mètres sous terre. Remarquez bien ici, je m'adresse à celui-ci qui est vivant encore avec ses acolytes. Il dit ici, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils. Verset suivant dit, comme sauveur du monde, souvenez-vous de la deuxième partie de série sur le mensonge, comme sauveur du monde, verset 15 dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, à partir d'ici, nous pouvons comprendre effectivement que Dieu ne demeure pas, enfin, eux-mêmes refusent effectivement que Dieu ne peut pas demeurer en un être humain. Non, c'est une abomination pour eux, puisqu'ils ne connaissent pas d'abord le Saint-Esprit. D'après ce document qui vient, ils ont dit que les chrétiens ont divinisé le Saint-Esprit en lui attribuant, alors que le Saint-Esprit c'est le Dibril. Donc, vous voyez effectivement que Satan vous a trompé, vous êtes dans une obscurité terrible. On va y revenir avec les hadiths qui parlent des lavements de perpète et puis des appels à la prière de Satan qui demeure dans le nez pour rappeler à Mohamed, votre prophète. Là. Donc ici, la Bible nous déclare clairement que celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà le mystère de la vie chrétienne, mon cher ami. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé que la vie chrétienne, c'est la divinité dans l'humanité. Parce que votre Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas s'approcher de la création. Parce qu'il est tellement grand. Et vous dites clairement que votre Dieu là, il est tout puissant. Il est tout puissant sauf du fait qu'il puisse se rabaisser jusqu'au créateur, jusqu'à la création. Si vous dites que votre Dieu est tout puissant et que vous dites parallèlement qu'il ne peut pas se rabaisser au niveau de la créature, ça montre qu'il n'est pas tout puissant. Parce que s'il est tout puissant, il peut se rabaisser au niveau de la créature en étant toujours tout puissant. Voilà le mystère de la vie chrétienne là maintenant, mes chers amis. Donc, continuons ici. Au chapitre 5 de ce même livre, 1 Jean, chapitre 5, lisons d'abord le verset 1. Le verset indique « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de Dieu. Oui, effectivement, quand on a utilisé le terme engendré, c'est que aime celui qui l'a engendré. Donc nous disons ici que Jésus-Christ a été engendré par Dieu. Maintenant, M. Ahmed Jida a utilisé ce passage pour dire effectivement que les musulmans croient que Jésus est. Parce que ici, dans ces versets-ci, verset 1 dit quiconque croit que Jésus est le Christ. Or, Christ, ça veut dire one, c'est ce qu'on appelle Messie. Donc on lirait ça ainsi. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et il s'arrête sur cette partie-là parce qu'en fait, ça arrange la théologie musulmane. La théologie musulmane dit que Jésus, fils de Marie, enfin Issa, fils de Marie, est seulement le Messie. Alors maintenant, quand ils voient cela dans la partie A de ces versets, ils disent, ok, comme les musulmans croient que Jésus est le Messie, alors ils sont nés de Dieu. Or, le volet continue en disant, quiconque aime celui qui l'a engendré. Et cette version vient de dire que Dieu a engendré Jésus. Si Dieu l'a engendré, alors il est son père. Vous voyez comment il la substitue. Vous allez dire que c'est une bande de menteurs organisés dans les ténèbres. Donc, il prend la partie A et il rejette la partie B. Parce que ça n'arrange pas la théologie musulmane. Mais comme le Coran dit que Jésus est le Messie, ils disent que comme nous croyons ici que Jésus est né de Dieu, comme Jésus est le Messie, alors nous sommes nés de Dieu. Parce que ça arrange la théologie musulmane. Maintenant, lisons le verset 11 et suivant. Qu'est-ce que la Bible déclare à partir du verset 10 même jusqu'à 13? La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu. Voilà la terminologie, mon cher Ahmed Abdul Madid. On dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Donc, nous avons lu, il a lu le Matthieu chapitre 3, je vais y revenir, on dit ici, ce verset, on se dit, ce verset-ci de 1 Jean chapitre 5, verset 10, dit, Dieu a rendu témoignage à son fils, donc Dieu a parlé de son fils. Et là, Jésus avait dit dans ces gens-là, que mon fils, mon père, il y en a deux qui rendent témoignage, mon père a rendu témoignage, moi je rends témoignage. Et d'après votre loi, d'après rendre témoignage. Donc, Dieu a rendu témoignage de Jésus, donc Dieu a parlé de Jésus pour témoigner que il ce qu'il est. Donc, Jean dit ici que celui qui croit Dieu, celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Effectivement, comme ce garçon veut démontrer, il ne croit pas au témoignage que c'est Dieu qui a rendu ce témoignage. Il veut plutôt dire que Dieu l'a appelé, quoi, son serviteur, son élu. Et parallèlement, il explique que ce serviteur-là, c'est Mohamed. Or, la Bible déclare au verset 11 ici, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils. Voilà le mystère, le pourquoi Satan ne veut pas que les musulmans aient la vie éternelle, parce que la vie éternelle est cachée dans le fils. Parce que si vous croyez au Fils, vous croyez à la vie. Qu'est-ce que ça dit là la suite? La Bible dit, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mes chers amis, vous êtes en danger. Vous, musulmans, vous êtes en danger. Donc, vous voyez effectivement, de deux choses l'une. Soit vous croyez, vous avez la vie, soit vous ne croyez pas, vous n'avez pas la vie. La Bible déclare au verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, vous voyez effectivement que la théologie musulmane empêche les musulmans d'avoir la vie éternelle parce que la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà donc pourquoi ils font tout et tout pour négliger. C'est ça qui montre effectivement que la religion islamique est une religion antichrist. Parce qu'effectivement, ils nient le fait que Jésus soit fils de Dieu. Et la Bible nous a dit clairement que quiconque nie que Jésus est fils de Dieu, effectivement, est antichrist. Donc, Abdou m'a dit et tous les acolytes, vous êtes des antichrist. L'esprit antichrist est sur vous. Mais maintenant, je sais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui a inspiré ce message que tous les enfants de Dieu qui étaient disséminés parmi les fils de Kedar vont entendre cette voix-là et revenir à leur berger. Ça c'est clair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez effectivement la subtilité. Donc il base une théologie, il passe le temps à vouloir démontrer que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Or, qu'est-ce que la Bible déclare? Si vous regardez bien dans la Bible, dans votre Bible, la version du second particulièrement, le terme « mon fils » apparaît 127 fois dans la Bible. On va lire quelques-uns de ces termes-là pour montrer effectivement que, comme il en avait dit, en laissant Matthieu chapitre 3 de côté, je vais y revenir pour expliquer, la terminologie « mon fils » est appliquée à Jésus-Christ à plusieurs endroits dans la Bible. Et le terme, la terminologie « fils de Dieu apparaît 56 fois dans la Bible. Dans Genèse, ça apparaît deux fois au chapitre 6. Dans le livre de Job, trois fois. Et dans les psaumes, deux fois. Et dans les psaumes, nous allons lire effectivement ces deux fois où ça apparaît dans les psaumes pour voir ce qu'il en est. Maintenant, lisons Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, avant de toucher ce Matthieu chapitre 3 là, dont il est question. Matthieu chapitre 2, il est question des mages qui viennent en de l'Orient pour suivre et suivant l'étoile de Jésus pour entrer. Allons-y rapidement parce que je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Au verset 15, lorsqu'ils vont rentrer, qu'est-ce que la Bible déclare? Il y resta trois jours. Donc, quand Hérode va savoir que les mages l'ont trompé parce que l'ange leur a dit de parler, d'aller et ne plus retourner vers Hérode. La Bible déclare que l'ange va venir maintenant inspirer, quoi, dit à Joseph de descendre en Égypte avec l'enfant Jésus et sa mère, jusqu'à ce que ceux qui cherchent sa mort meurent. Verset 15 dit, il y resta, enfin, prenons verset 14, Joseph se leva, juste dans Matthieu chapitre 2, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta, verset 15, jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Le livre même de Matthieu au chapitre 2, donc Abdou Madid, je crois que c'est l'esprit d'Abdou Ahmed Dida qui est celui, parce que chaque fois je vais toujours l'appeler ainsi. Dans le chapitre 3, il y a une voix qui s'est fait entendre au baptême. Il veut corriger là pour dire que Dieu n'a pas dit là-bas que mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Donc la terminologie, c'est mon fils qui le dérangeait. Au chapitre 2, il est écrit encore, c'est même Matthieu là a mis la relation, c'est pour vous montrer que le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre d'achoppement. C'est pour ça que tu es en train de t'achopper comme ça. Il n'est pas en un seul endroit de la Bible. Il est disséminé partout. Lui, il a dit dans Luc chapitre 24, comme on a lu la dernière fois, que tous les prophètes ont parlé de lui, même les psaumes. Moïse a écrit de lui. Donc, il est question de Jésus-Christ dans la Bible. Je crois que dans un de tes démonstrations, tu as parlé que ce sont les chrétiens qui ont parlé de Christocentrisme, qui ont fait le temps, c'est que tous les versets reviennent à Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même qui a fait le temps, c'est parce qu'il est la parole. Votre parole, votre Coran dit qu'il est la parole de Dieu. Va savoir ce que veut dire la parole de Dieu. Va étudier encore ce que veut dire la parole de Dieu. Tu regardes si c'est éternel. Donc, la Bible dit, parle de Jésus-Christ partout, de part et d'autre, dans toutes les similitudes, dans tous les paraboles de la Bible. Il s'agit de Jésus. Si ça te choque, tu enlèves la soutane que tu as sur toi. Donc, le verset 14, le verset 15 dit ceci. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oui, effectivement, que dans ce Osée chapitre 11, verset 1, il était question de quoi? D'Israël. Mais d'Israël, parce que Dieu dit dans la Bible que Israël est son premier-né. Si Israël est son premier-né, alors il est un type de Jésus. Parce qu'en fait, s'il y a un premier-né, d'après la terminologie humaine, il faudrait qu'il y ait un second-né. Or, premier-né, après Israël, il n'y a pas de second-né. Donc, effectivement, que comprendre, c'est la prééminence, la primauté, comme vous avez dit dans votre sourate, dans ce sourate que Dieu a privilégier Israël sur tous les autres peuples. Donc voilà, effectivement, que vous dites une chose dans le Coran, vous faites le contraire, mais la Bible confirme ce que les prophètes avaient dit. Donc le prophète Isaïe avait parlé de mon fils exactement aussi dans le Arche chapitre, dans Isaïe chapitre, dans Osée. Le prophète Osée a parlé de mon fils dans Osée chapitre 11 verset 1 et ici l'auteur du livre de Matthieu l'applique à Jésus. Tu ne peux pas nier parce que c'est dans le même livre que tu as lu. Dans ce livre de Matthieu chapitre 3, tu as dit que c'est toi qui es allé dans Isaïe pour le mettre parce que les catholiques l'ont mis. Le fait que les catholiques ont mis la référence là-bas, ça ne veut pas dire que c'est les prophéties. Je vais y revenir pour expliquer véritablement, pour que vous compreniez, pour que toi et tes acolytes là, l'emprise des ténèbres qui est dans votre tête là puisse être éclairée. Donc nous voyons effectivement que ici mon fils bien-aimé, mon fils, le terme, la terminologie mon fils est appliquée à Jésus. Donc comme Abdou Madid a voulu dire que le fils en hébreu, en grec a deux terminologies et les catholiques ont choisi telle ou telle chose, je veux que tu m'expliques donc ce qui est écrit. Qu'est-ce que les catholiques ont fait? Est-ce que les catholiques ont écrit ce qui est écrit dans le livre d'Osée? Donc nous rapportons que la Bible déclare ici, verset 15 de Matthieu chapitre 2, que ces versets-ci se réfèrent à Jésus. Fin de citation. Donc, maintenant, lisons la version des les terminologies fils de Dieu dans le livre des Psaumes. Ou bien, allons d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Lisons rapidement. Je ne vais pas vous garder pour longtemps. Ma prière, c'est que les musulmans et les arabes, les simples femmes, hommes et enfants qui sont sous tête en prise là, soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui m'écoutez maintenant, puisse la puissance du Saint-Esprit brise l'emprise de l'islam sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Actes des Apôtres, chapitre 33, lorsque l'apôtre Paul va parler, au verset 33, parce que dans la deuxième partie, souvenez-vous qu'il avait cité ça, le verset 23. Je vous ai dit, il a cité le verset 23 parce que là-bas, il veut parler de Jésus-Christ comme étant le sauveur d'Israël. Maintenant, allons-y au verset 33. Je suis seulement ce pas pour corriger ces bêtises. Le verset 33 dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Or, L'apôtre Paul cite ici le psaume 2. Regardons bien ce psaume-là. Comme tu dis que ce sont les catholiques qui ont ajouté, je veux que tu me dises si c'est les catholiques qui ont écrit le psaume 2 également. Dans le psaume 2, il dit, je vais démonter toutes vos bêtises, vos mensonges que vous racontez aux gens pour les faire passer de la lumière, pour l'empêcher de comprendre les ténèbres, la lumière de l'évangile, et pour les amener dans les ténèbres de l'islam. Psaume chapitre 2 dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Et vous voyez effectivement que l'apôtre Pierre va expliquer ce même passage-ci dans Actes chapitre 4 lorsqu'il va parler des Pilate et des Ponce et des Rôdes qui ont arrêté Jésus. Le verset 2 dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Vous voyez effectivement, oint ici, c'est Messie. Oint ici, c'est Messie et eux, ils parlent de Jésus. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, donc il oint son roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, ça c'est Jésus-Christ dans la bouche de quoi? Jésus, c'est le Christ dans la vie de David, dans David qui parle. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ahmed Didat, comment il s'appelle celui-là? Abdul Madid, je te défie donc maintenant, je te lance le défi de me montrer ici que dans l'original ce n'est pas écrit tu es mon fils. Je t'ai engendré, je te lance dans le défi. Cherche dans les manuscrits, fais donc une autre vidéo et démontre-moi que ce n'est pas écrit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous pouvons également lire Hébreux chapitre 1, verset 5 et Hébreux chapitre 5, verset 5. Maintenant, vous voyez effectivement que c'est ce passage qui est reporté, que l'apôtre Paul rapporte dans Actes chapitre 13, verset 33. Pas étonnant que votre théologie pour descendre Jésus-Christ a d'abord eu à descendre l'apôtre Paul, Saul de Tarse, en disant que c'est un homme qui dirait avoir vu Jésus-Christ, qui raconterait et qui a détourné le message originel de Jésus, parce qu'il avait la révélation. Votre haine contre lui va tomber au nom de Jésus-Christ. Verset 8 dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc on dit clairement et on dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Lui ici est mis pour fils et sa colère est mis pour fils. Et toi et vous, vous connaissez effectivement que c'est dans l'eschatologie musulmane, il est question de Issa qui va descendre du ciel pour résoudre le problème du Dajjal. Donc c'est lui qui va juger la terre, les vivants et les morts. Vous savez cela, voilà donc ça qui est écrit. Et si on l'appelle fils, va effacer ça dans l'original. Donc, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul, connaissant, étant juif, mieux encore, connaissant l'écriture, connaissant Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, pas le Dieu de Mohammed, connaissant toutes ces écritures là-bas, a cité et a placé les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que la Bible déclare encore dans Hébreux chapitre 3? Lisons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Vous pensez que vous allez continuer à garder les gens dans la captivité? Souvenez-vous, je vous ai dit dans les deux premières parties que Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde entier. Il est le sauveur du monde, pas venu sauver toute l'humanité. Non, il est venu sauver ses brebis. Donc, tous ceux qui sont de ses brebis vont entendre, ils vont sortir des chevaux là-bas. Hébreux, lisons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, lisons le verset 1 jusqu'au verset 6. Écoutez très attentivement. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Écoutez très bien. Pour rendre témoignage de ce qui devait être. Dans un autre enseignement, il va revenir lorsque ce même garçon démontre que dans les faussetés, que Jésus n'a jamais été comparé à Moïse. Voici un livre qui compare effectivement Moïse, son appel, son œuvre à celui de Jésus. Verset 6 dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc nous voyons effectivement que la Bible déclare ici que Christ a été établi comme fils sur sa maison. Voilà pourquoi dans ce son-là, il a dit que tu es mon fils, tu es engendré aujourd'hui. Et dans Esaïe chapitre 53, il dit effectivement que par le travail de son âme, il va justifier beaucoup d'hommes. Donc, Abdou Madid, toi et tes acolytes, tu peux prendre n'importe quoi, démontrer, t'amuser avec les catholiques, prendre leur version, lis la lettre K qui est dedans. La lettre K n'est pas la parole de Dieu. Les paroles qui sont inspirées à l'intérieur sont celles de Dieu. Maintenant, la Bible déclare quoi? La Bible déclare quoi? Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 6, parce qu'il a pris le chapitre 3 de Matthieu où Jésus a été baptisé et une voix s'est fait entendre. Expliquons d'abord, je crois que je vous ai retenu longtemps dans ce domaine-là. Expliquons d'abord le pourquoi dans ce Matthieu, chapitre 3, verset 16 et 17, ces garçons compliquent en disant que ça devrait être écrit mon élu en qui j'ai mis mon affection. Quand bien même les catholiques ont mis la lettre K ou la n'importe quelle lettre et faisaient référence au livre d'Ésaïe, cette citation n'est pas une citation prophétique, mais c'est une confirmation de Dieu dans ce Matthieu chapitre 3, verset 16 et 17. Car il ne cite pas un passage des prophéties d'Ésaïe. Donc c'est vous, avec vos théologiens, de la même façon comme les catholiques qui essaient d'appliquer cela à Ésaïe. Quand Dieu veut citer un prophète, il cite exactement ce que le prophète a dit. Tout à l'heure, nous avons lu dans ce Matthieu chapitre 2, verset 15, que afin que ça complète ce qui a été dit, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Effectivement, vous voyez que c'est comme ça que c'est cité dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez que c'est cité, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Or, ici, il n'y a pas de passage dans la Bible où il est écrit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. De cette façon, tu es mon élu, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce n'est pas écrit comme ça. Dans Psaume 2, tandis que là, lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, maintenant, qu'est-ce que la Bible déclare? Il y a ce que Dieu a dit, c'est que les prophètes ont réclamé, les authentiques personnes ont entendu. Lisons Matthieu chapitre 17 et je vous pose encore la question. Matthieu chapitre 17, Ahmed Didat et ses acolytes là. Matthieu chapitre 17 raconte encore une autre histoire où Dieu, parce que Jésus-Christ a dit là-bas, dans 1 Jean, nous avons lu aujourd'hui que celui qui a le Fils a ce témoignage en lui-même. Et si quelqu'un n'a pas ce témoignage, c'est parce qu'il fait Dieu de menteur, parce que du témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Regardons le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc si Matthieu chapitre 3 crée ambiguïté, alors au chapitre 17, Matthieu chapitre 17, vous pouvez également lire la même chose là dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 35 où Jésus-Christ est recteur, il fait mention du fils là-bas et mon élu. Donc dans cette, les deux possibilités sont encore là. Donc mon élu et mon fils sont mentionnés dans ce Luc chapitre 9, le verset 35. Donc lisons Matthieu chapitre 17 pour voir ce qu'il en est. Verset 1 à 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc vous voyez effectivement que cette parole-ci est similaire à ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 3. Donc effectivement c'est Dieu qui a rendu ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il veut dire à ce menteur, à ce bande de menteurs? C'est que la Matthieu chapitre 3 verset 16 et 17 ne se réfère pas à Isaïe 42. Parce que ce n'est pas une prophétie qu'il a cité, c'est une voix nouvelle qui sort du ciel. Dieu ne vient pas parler, c'est pour citer la Bible. Quand il vient, c'est pour donner une autre révélation. Et chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, regardons le témoignage de Pierre. Le livre de Pierre. Voilà. Donc, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 12 jusqu'au verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Prenons jusqu'au verset 18 même. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, comme dans le Coran, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc ça veut dire qu'ils ont vécu ces choses-là. Verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc l'apôtre Pierre dit que cette voix-là était vraie, que c'est exactement ce que Dieu a dit. Jean a dit que, et effectivement, Jean a dit la même chose tout à l'heure. Nous avons lu 1 Jean chapitre 4, chapitre 5, où il a dit que quiconque a ce témoignage en lui-même, c'est même le même témoignage que Dieu a rendu à son fils. Parce que si tu ne fais pas cela, alors tu fais de Dieu menteur, parce que tu mens, tu dis que Dieu a menti par rapport au témoignage qu'il a rendu à son fils. Donc Jean était, parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 17, verset 1 et suivant, que 6 jours après, il a pris avec lui Jean, Jacques et Pierre. Jean nous a dit dans 1 Jean chapitre 5 que Dieu a rendu témoignage à son fils. Pierre vient de dire clairement qu'ils ont entendu ces voix-là, ça fait donc 2 et ça règle le problème. Donc, rassemblez-vous comme vous vous rassemblez, essayez de trouver des manuscrits, des mémoires, tourner avec les scientifiques en trouvant Marie de Magdala, l'évangile de Thomas, pour, Barnabas pour essayer de concorder avec l'évangile de Gnostique pour essayer. Vous ne pouvez pas briser la parole de Dieu parce qu'elle reste debout. Vous ne pouvez pas briser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'ici? On peut dire jusque-là que l'esprit antéchrist qui a commencé depuis le 1er siècle a grandi jusqu'à a pris fruit dans le territoire de l'islam pour montrer effectivement l'antagonisme qui a toujours eu lieu entre Isaac, le fils bien-aimé de Dieu, qui a été engendré, celui le bien-aimé qui devait être sacrifié. Cet antagonisme-là a continué dans la semence jusqu'à sortir au niveau de l'islam. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans l'islam. Continuons. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'islam. Tous ceux qui sont là-bas, qui sont nés là-bas, vous êtes nés dans, on n'est pas dans cette religion-là comme ça. Chez Dieu, vous devez être son fils. Donc, lisons les deux parties du son où il est écrit fils de Dieu, l'expression fils de Dieu. Quand vous avez trop peur de fils de Dieu, comme Dieu ne peut pas avoir un fils là. Vous parlez du fils d'Adam. Maintenant, lisons psaume de les deux passages de psaume et puis je vous laisse là rapidement. Psaume chapitre 29, le verset 1. Comme pour toi, quoi, le fils de Dieu, mon fils est devenu maintenant le serviteur, là, mon serviteur. Je veux que tu me dises ce qu'il est écrit ici également. Dans l'original, psaume chapitre 29, le verset 1 seulement. Je vais lire seulement le verset 1 là-bas. Qu'est-ce que ça dit? La Bible déclare, psaume de David, fils de Dieu, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Et là, la Bible commence ici par fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Souvenez-vous que votre Coran parle du Zabour. C'est le Zabour de David ici que votre Coran dit qu'il a fait descendre sur David le Zabour. Si vous ne croyez pas ce que David a dit, vous ne croyez pas ce que votre Allah a fait descendre sur David. Il dit ici, fils de Dieu, rendez gloire, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Abdou m'a dit, et tes amis, ton père, le remplaçant, comme tu l'as dit, Damed Dida, qui est le mémoriseur de la Bible, je veux qu'il me mémorise et essaie de chercher dans sa mémoire ce qui est écrit dans l'original de ce Zabou-là, ou mieux si Allah vous a donné un autre Zabou pour donner l'authentique des Zabou de David, qui vous montre donc ce qui est écrit dans ce verset 1. Allons-y dans le chapitre 89 des psaumes, chapitre 89, verset 6 et 7. Qu'est-ce que ça dit? 89, verset 6 et 7. Regardez, suivez attentivement. Le verset 6 dit, « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? » C'est ce qui est écrit. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Je veux que vous me dites là où c'est écrit comme ça, dans l'original, et que ce soit le serviteur. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même dit? Qu'est-ce que Jésus lui-même dit dans la parabole, dans sa parabole, dans Luc au chapitre 20? Disons Luc au chapitre 20. Luc, le chapitre 20 dans la parabole. Chapitre 20. Comme tu ne comprends pas là, j'imagine que tu n'as même pas compris ce que la parabole dit, mais les enfants du Seigneur qui sont dans le côté de l'islam vont comprendre. Écoutons très attentivement. C'est Jésus qui a prononcé cela. Celui dont vous appelez le prophète chez vous là. Celui qui a prononcé. Et je veux que tu comprennes, si tu n'as jamais compris, que tu comprennes ce que la parabole veut dire aujourd'hui. Parabole de Matthieu chapitre 20. C'est la pierre de la parabole des vignerons et de la pierre de l'angle. De l'angle, la pierre rejetée. La Bible déclare verset 9. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, il le battit, l'outrageait et le renvoyait à vide. Il en envoya encore un troisième. Il le blessait et le chassait. Le maître de la vigne dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Vous avez encore vu cela? Voilà encore l'expression. Il dit, j'enverrai mon fils bien-aimé. C'est le verset 13 là-bas. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetaient hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'il eut entendu cela, il dit, à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Vous voyez, dans la première partie, je vous avais parlé du mystère du rejet d'Israël. Voici encore ça dans la parabole. Donc, Abdou m'a dit, je te lance dans le défi de dire ce que la parabole veut dire. Qui est le fils bien-aimé ici et qui est le vigneron? Je te lance dans le défi de chercher à savoir de quoi il est question. Donc, si toi et tes acolytes, tu peux me dire qui est le fils ici, qui sont les serviteurs qui ont été envoyés et qui sont ceux qui ont arrêté le fils pour le tuer. Et que vous m'expliquez-moi ce que cette parabole veut dire. Essayez de tordre comme vous pouvez tordre. Mais que Dieu vous bénisse. Autre chose que vous devez faire, c'est ceci. Je veux que tu lises doucement Matthieu chapitre 4, versets 3 à 6. la tentation de Satan avec Jésus. Tu me dis, fils de Dieu. Est-ce que c'est dans l'original? Est-ce que le diable a prononcé ça de sa bouche, comme tu as dit? Dans Matthieu chapitre 5, au verset 8, sur les béatitudes, là, au verset 8, il dit, heureux ceux qui, Jésus, c'est le Jésus, le Sauveur qui dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je veux que tu me dises si oui ou non, Jésus a prononcé fils de Dieu, c'est sorti de sa bouche. Tu me donnes l'original où c'est écrit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 29, dans le chapitre 14, verset 33, dans le chapitre 26, verset 63, dans le chapitre 27, les versets 40, 43 et 54. Je veux que tu me dises. J'ai justement pipé quelques passages comme ça. Je pourrais t'embrouiller et t'embrouiller vraiment avec toi et tes acolytes là-bas avec des versets bibliques. Mais ce n'est pas te constiper comme ça. Prends ces quelques versets, va méditer et puisse le Seigneur Jésus se révéler à toi. Souvenez-vous également de Matthieu chapitre 11, les versets 25 et suivants, où Jésus a dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ou celui à qui le Fils veut le révéler. Après, il va dire au verset 28 que venez avant vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, si tu es fatigué de chercher, tu ne peux même pas voir la vérité. Désarme-toi, mon cher ami, parce que c'est la connaissance que tu as ne te servira à rien. Le salut est en nul autre qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais conclure avec ce livre de Romains. Romains, chapitre 1. Romains, le chapitre 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Voilà ce qui a été promis, qui devait être vrai. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce qui est clair. Jésus-Christ est déclaré fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de la sainteté. Pas étonnant que vous, les musulmans, ne pouvez pas avoir cet esprit, on ne peut pas déclarer que Jésus est fils de Dieu, parce qu'en réalité, la Bible déclare que c'est quelqu'un à l'Esprit de Dieu en lui, c'est lui, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu. Or, votre Jibril a annoncé à Mohammed, il est rentré, lui, dans l'obscurité. Pas étonnant donc qu'il ne peut pas avoir aucun de ces gens-là chez vous. Donc, vous, les musulmans, vous, particulièrement, Abdou Madid, et Zaki Naïk, tu peux encore te repentir. Vous pouvez encore vous repentir. L'Esprit de Dieu est disponible encore pour vous. Repentez-vous tout simplement. Repentez-vous et il viendra vers vous. Je vous laisse avec ce cantique-ci. Tu es saint, Seigneur. دخلت قدس أقداسك دخلت